Bon. Page 9 de la presse. Avez-vous vu ça en photo? Des cyclistes d'hiver à Montréal. Puis on tente de nous les montrer comme étant des modèles de vie. Vous savez, montrez-nous des gens patiner, marcher, profiter de l'hiver en raquette, aucun problème. Parce que si le point, c'est l'activité physique, c'est un bon point. Là. Oui. On devrait tous bouger plus, tout le monde. Mais évidemment, il y a quelque chose de religieux là-dedans. Donc, on parle de vélo et du Québec. Donc, c'est autre chose. C'est du monde qui prendront pas leur auto, ça, Dominique. Ah, on est en train de sauver la planète un petit peu. Là, on est en train de faire des entrevues, entre autres dans le Journal de Montréal, à la page 20. On a fait une entrevue avec un nommé Sylvain Thériault, adepte du vélo d'hiver depuis 12 ans. Il manque de choix. On pourrait faire une belle autoroute pour les cyclistes vers le centre-ville. Parce que dans la rue, avec les autos et les autobus, il y a du danger. Mais s'il y a du danger, calvaire, débarrasse! Les rues, l'hiver, c'est pas fait pour faire du bicycle à pédale. Il me semble qu'on le dit clairement. C'est pas fait pour ça, c'est tout, c'est... Et je veux qu'on en fasse du vélo, j'ai pas de problème, 3 mois par année. Mais quand il y a de la neige, tu mets en danger ta propre vie et la vie des automobilistes qui, eux, vont zigzaguer pour t'éviter et peuvent provoquer des collisions. C'est une pratique dangereuse. Et je reviens à la presse, page 9, la photo d'un enfant qu'on a habillé quasiment en scaphandrier avec des lunettes de ski. Sur le bicycle. Un petit enfant, c'est 8 ans maximum. 7-8 ans. Alors lui, de force, on l'a embrigadé là-dedans, comprends-tu? Puis c'est quoi le message que t'envoies à cet enfant-là? Tu sais, si tu l'amènes en ski, bravo, patin, ski, de la planche, plein de jeux, le fun, des sports, divers, intéressant que tu peux pratiquer, j'ai pas de problème avec ça. Mais le cyclisme d'hiver est une religion pratiquée par des extrémistes qui disent, dans les médias de ce matin, faudrait déneiger les pistes cyclables. Sans rire! Ils disent ça sans rire, faudrait déneiger les pistes cyclables. Comme un des artistes avait dit Emmanuel Bilodeau, ouais, je pense qu'on l'a. Ouais, mais je sais pas. C'est dans les banques d'extraits, Jean-Claude, là. T'aurais peut-être pas le temps de trouver ça, mais il avait mentionné à Radio-Canada, Emmanuel Bilodeau, que ça prendrait des pistes cyclables chauffantes. Il avait dit ça. Des pistes cyclables chauffantes. Tu sais, on va dire ça à Radio X. On va faire rire de nous autres sur les ondes de différentes antennes, dont l'émission de Radio-Canada qui rit de la radio, là. Parce que eux autres sont bien fins, puis sont bien bons, puis sont financiers, puis ils ont pas besoin de rating pour fonctionner. C'est une belle bande de farfelus. Incroyable. Et vous êtes dans Morel Live.